il y a encore une fois tout un tas de possibilités pour explorer cette contraction du nom. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'emploie le nom comme une contraction, mais le nom peut être aussi une délivrance. À travers le nom, je peux exprimer tout un tas de choses. Alors, ce qui va être important, ce ne sont pas les choses que je vais exprimer, c'est pourquoi cette négation, elle est là. Et pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on me demande d'expliquer ou d'exprimer une piste de réflexion sur apprendre à dire non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans cette générosité du cœur, dans cette ignorance de la violence, qui savent dire oui spontanément avec le cœur, mais ces gens-là souffrent. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ils souffrent d'avoir en face d'eux-mêmes des égos qui sont tellement forts, tellement puissants, tellement mordants, qu'ils sont obligés, pour garder un équilibre, d'apprendre à dire non. Parce que ces gens qui disent oui spontanément avec le cœur et qui ne savent pas dire non, ces personnes-là, malheureusement, se font, à un moment donné de leur existence, manipulées, bafouées, ne sont pas respectées pour leur gentillesse, pour leur gratitude, pour ce qu'ils sont. Alors ils doivent apprendre à dire non. Ce qui veut dire contrarier, contredire un élan du cœur, une spontanéité, je suis ce que je suis à travers le oui de la vie, face à une forme de violence à laquelle je dois répondre. Sinon, je souffre. Alors, pourquoi cette souffrance, elle est aussi présente pour ces gens qui ne savent pas dire non et qui doivent apprendre à dire non? C'est parce qu'il y a aussi une forme d'ignorance liée à l'ego qui est là et qui est bien manifesté. Et ils n'ont pas forcément les outils de communication, de présence dans le ici et maintenant, pour exprimer face à ces gens-là qui sont dans leur ego surdimensionné, pour exprimer leur état, leur ressenti et leur volonté et là, de pouvoir s'écouter. Donc en fait, les tendances, elles ont complètement changé de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit apprendre à dire non, on doit apprendre à aller dans le camp de la négation. Et comme vous l'avez compris, personnellement, et ça me regarde, je n'approuve absolument pas. Comment peut-on s'éveiller? Comment peut-on évoluer? Comment peut-on aller vers cet espace du cœur dans la négativité? Alors que la négativité, c'est ce que l'esprit crée. Et c'est cela exactement qu'on veut dissoudre. Donc, c'est là où il est difficile d'aborder cette thématique, parce que dans la tête de chacun, chacun a son expérience du non, du oui, de la vie, et chacun va interpréter à sa façon son propre nom. Donc, je vais essayer de faire une figure de style, hein, un peu comme un gymnaste, hein, qui va faire un triple saut périlleux, inversé, etc. Il va voler dans les airs, dans tous les sens, et puis il va essayer de retomber sur ses pieds. Donc si je ne retombe pas sur mes pieds, bon ben, tant pis pour moi, hein. Mais en tout cas, j'espère que vous allez réussir à me suivre dans cette explication. Donc d'un côté, on a le nom de la négation, le nom du contracté de l'ego, de ce moi manifesté et qui dit non. Donc celui-là, cette personne-là, cet état-là, pas besoin d'être appris, il est très bien maîtrisé. Hein, le nom N-O-N, voilà, je suis ce nom-là parce que je suis, parce que j'existe. Et comme j'existe, eh ben, à partir de là, j'aime ou j'aime pas la sensation. Hein, et à partir de cette sensation, je n'aime pas. Donc je n'aime pas, tout ce qui est relié à je n'aime pas, c'est le nom. On est dans une société occidentale où on ne nous a pas éduqués avec ces règles comment dire, bienveillante de non-égoïté, de non-dualité. Donc on nous a directement mis les pieds dans la dualité, et forcément dans un moi, hein, et qui est en reflet, en miroir avec le reste du monde. Alors dès qu'il va y avoir quelque chose qui va venir heurter ma sensibilité, et qui ne me plaît pas, ça va être non. Donc ça va être un non très égoïste, parce que dans ce non, je ne prends pas en considération l'autre. C'est juste que c'est comme une agression qui vient de l'extérieur vers l'intérieur et que je ne gère absolument pas. Donc ça va être non. En fait, c'est un raccourci, hein, que emploie l'ignorance et qui ne sait pas exprimer les choses différemment que par le non. Donc cette négation, en fait, elle est OK sur le plan de l'individualité. Chacun a le droit de dire oui, chacun a le droit de dire non. Ça ne va pas forcément arranger les choses de dire non, mais en tout cas, chacun, sur le plan de l'individualité, a le droit de l'exprimer. Mais dans ce non, où est l'élan du cœur? Où est la bienveillance? Où est cette communication non violente qui, justement, va permettre de mieux se comprendre et d'adopter des solutions qui vont être bonnes pour tout le monde. De l'autre côté, on a cette personne qui ne sait pas dire non, qui dit toujours oui. Elle dit toujours oui parce qu'elle est tellement généreuse, sensible et bienveillante qu'elle ne sait pas dire non. Elle a besoin d'exister à travers le oui. Donc elle a cette empathie qui est extrêmement développée. Malheureusement, face à des gens qui n'ont pas capté cela et qui sont tournés vers leur nombril, ils vont souvent profiter de ces gens qui disent oui, en tout cas qui ne savent pas dire non. Et donc ces personnes-là qui disent tout le temps oui vont vraiment souffrir énormément. C'est beaucoup de souffrance. C'est pour ça que, à un moment donné, comment apprendre à dire non? Et là, dans ce cas, le non devient positif. Mais ce n'est pas parce que le non devient nécessaire plus que positif qu'il est exprimé avec bienveillance. Parce que pour une personne qui ne sait pas dire non, ça va lui coûter de le faire. Et souvent, ça va être avec un effort tellement puissant qui peut être très violent. Donc dans tous les cas, cette négation, elle ne va pas enseigner grand-chose. Elle va juste montrer un territoire, affirmer un territoire individuel, celui de l'ego, et qui, à travers lui, à travers le non, va s'affirmer tout simplement. Et pourtant, dans ce petit mot de trois lettres, se cachent à l'intérieur toutes les peurs, toutes les résistances, toutes les croyances limitantes. Se cache un état qui est lié à la faiblesse. Puisque je n'ai pas trouvé d'autre mot, une autre attitude pour exprimer ma vibration du moment. Et j'ai le droit fondamental de ne pas suivre la personne qui me demande quelque chose, de ne pas exécuter ce que la personne me demande. Et peu importe la façon dont c'est demandé, j'ai ce droit fondamental d'écouter ma vibration et d'être là où j'ai envie d'être. Le tout, ça va être de l'exprimer. Le tout, ça va être d'essayer de l'exprimer avec bienveillance. Et ça, c'est difficile. Surtout lorsque la vibration qui arrive, elle est souvent directive et violente. Donc nous sommes toujours le miroir des uns et des autres. Et notre plus grand souci, nous les humains, c'est la communication. C'est pas le fait de vivre ensemble, hein, c'est le fait de communiquer ensemble. Et parce que la communication est parfois violente, souvent, la plupart du temps, que cela crée d'énormes dysfonctionnements. Maintenant, je vais vous demander juste d'observer dans une journée le nombre de négations qui peuvent émaner de chacun d'entre vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, et observez comment cette négation, elle se manifeste. Et vous allez voir que même pour certains, vous allez même être surpris de pouvoir constater ô combien cette négation est présente dans nos vies. Hein? Donc, à travers le « je ne m'aime pas » ou à travers « je ne suis pas assez ci » ou « je ne suis pas assez là » ou à travers l'autre « l'autre, il est pas assez ci » ou « il n'est pas assez cela ». Quelle que soit la négation, le mécontentement. Hein? Donc, dans ce nom, il y a une graine qui est cachée à l'intérieur de nous, qui est cette vibration négative qui est alimentée tous les jours avec l'effet miroir des uns et des autres parce que nous vivons en collectivité. Et on essaye de trouver tout un tas de stratégies pour donner un sens à ce nom qui en réalité n'est que la graine, le fruit de ce négativisme. Un peu comme la rouille qui est dans le fer. C'est pareil. Vous mettez le fer avec en contact avec l'humidité et la rouille apparaît. Pourtant, quand vous coupez un morceau de fer qui sort de l'usine, il n'y a pas de rouille dedans. Il n'y a même pas la molécule de la rouille. C'est juste l'alchimie entre la molécule du fer et celle de l'eau qui crée la rouille. Ben là, c'est pareil. Cette alchimie entre cette individualité et puis l'autre individualité, ça crée le négativisme. Parce qu'il y a toujours cet effet miroir. Et donc, si j'existe, c'est par rapport aux autres. Et c'est complètement inconscient. Parfois, ça devient conscient. Après, on appelle cela la jalousie ou autre. Hein, mais de façon inconsciente, c'est complètement manifesté. Donc, nous nourrissons ce négativisme. Alors, lorsque on me demande de dire, d'expliquer, voilà, il faut apprendre à dire non. À l'intérieur, ça va résonner bizarrement, parce qu'en fait, pourquoi apprendre ce négativisme? J'ai plus envie de dire à ces gens qui ont besoin de dire non, d'apprendre à communiquer. Ils ont déjà cet espace du cœur qui est très fort, cette empathie qui est très forte. Envie de leur apprendre à communiquer plutôt leur état du moment je dirais le nom du cœur, qui ne se dira pas non. Ce sera un oui qui exprimera, j'entends, mais ça, ici et maintenant, je suis là et je ne peux pas être ailleurs. Pourquoi toujours subir? Hein, il y a aussi cette notion hein, de subir ces agressions extérieures à chaque fois qu'on vous demande quelque chose. Alors certes, il y a la vie en collectivité, c'est normal, mais il y a aussi l'art et la manière, et cela s'apprend. Donc c'est intéressant de se poser toutes ces questions et essayer de donner un sens à ce nom. Et encore une fois, je le relis pleinement à cet état qui est en nous, à cette vibration qui est en nous, qui est le négativisme, et qui est directement le fruit de l'ego. Pourquoi l'ego? Parce qu'il est relié aux peurs, aux illusions. Donc, ce nom, c'est quelque part le nom de la peur. À chaque fois que vous dites non, essayez de sentir votre état à l'intérieur. Il est fort possible qu'à chaque non, il y a une différence de rythme cardiaque ou une différence de vibration, parce que le non, il n'est pas naturel. Et pourtant, dans notre société, on nous apprend, on doit apprendre à dire non. Si on ne s'affirme pas dans notre société, ou là où l'ego est très fort, où cet instinct de survie, il est puissant à travers à travers les codes qu'on reçoit, quand je parle d'instinct de survie, c'est-à-dire qu'on doit se défendre de toutes ces agressions, alors le nom devient impératif. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la petite fleur. Cette petite fleur qui représente un petit peu la sagesse, qui représente cet état qui a transcendé l'ego et qui ne s'identifie plus, qui n'est plus attaché et qui vibre la paix et l'harmonie. Et en fait, qui n'a pas besoin d'exprimer ni le oui ni le non. C'est à travers le silence interne que tout ça, ça se manifeste. Alors il est vrai que cette étape-là, ce serait bien que je ne l'aborde pas. Pourquoi ? Parce que déjà, il est important d'avoir fait cette expérience du silence intérieur pour comprendre toute cette agitation à travers le oui et le non. Parce que cette agitation du oui, du non vient, elle prend sa source dans l'agitation à partir du je suis. Ce moi qui se manifeste à chaque instant et qui n'est absolument pas en connexion avec la totalité. Alors je ne sais pas lâcher prise. Donc comme je n'ai pas cette capacité à partir du silence, d'aller vers cette harmonie et cette paix, je dois absolument apprendre à utiliser les outils que la société m'impose, à savoir notamment le non. Je dois apprendre à m'affirmer. Sinon, on me dit que je suis faible. Sinon, on ne me laisse pas ma chance. Et même si on ne me le dit pas, c'est ce que je vais ressentir. J'en ai marre de toujours dire oui, j'en ai marre d'être trop gentil. Ce matin, j'ai eu un élève en cours. Il a 34 ans et il m'a dit, voilà, moi depuis tout petit, je souffre parce que j'ai l'impression de toujours être pris pour un con, d'être trop bon, trop gentil. Et je lui dis, pourquoi tu souffres de la plus belle des qualités? Pourquoi est-ce que c'est toi qui devrais souffrir de ça? C'est plutôt les autres qui devraient souffrir de ne pas avoir ça. Mais non, les autres, ils ne souffrent pas de ça parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc aujourd'hui, il doit dire non. Aujourd'hui, il n'ose même plus parler aux gens dans les yeux. Aujourd'hui, il ne dit plus bonjour aux gens dans la rue, alors qu'avant, c'était spontané chez lui. Parce qu'il croit qu'il est aussi responsable de ça. Donc vous voyez comme ça peut être traumatisant, comme ça peut être délicat, comme ça peut être difficile dans notre société de juste se poser dans cette empathie, dans cet amour, dans cet élan du cœur. Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a tellement d'ego et tellement d'ignorance que il est difficile de comprendre ce langage-là. Alors que si vous ouvrez votre cœur et que vous fermez juste un petit peu les yeux, ben, écoutez la vibration de ce oui du cœur et de cette communication bienveillante. Et je reste persuadé que si tout le monde apprenait cela, tout le monde s'en porterait beaucoup mieux. Donc c'est accessible, c'est complètement accessible. C'est juste lâcher certaines croyances, certaines codifications à travers l'étude, à travers la pratique, et essayer progressivement, graduellement, de rentrer dans cette communication bienveillante. Est-ce qu'il est nécessaire de répondre à quelqu'un par non ? N'y a-t-il pas d'autres solutions ? D'autres, on a une langue, notamment le français, qui est très riche. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile parce que même quand je suis dans la communication bienveillante, l'autre, il insiste, il n'entend pas, il ne comprend pas. Ben oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc à un moment donné, le non s'impose. Pourquoi il s'impose ? Parce que je n'ai pas été capable d'aller au bout de ma démarche. Et là encore, ce n'est qu'un apprentissage. Donc, j'aimerais quand même revenir, moi, sur un point essentiel, sur ces gens qui ont besoin d'apprendre à dire non. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'apprendre à dire non. Il y a pour qui c'est spontané, c'est OK. Et pour ces personnes qui ont besoin d'apprendre à dire non, elles ont en elles une énorme qualité. Parce que dans ma petite tête, si je ne sais pas dire non, c'est que je dis oui. Si je dis oui, c'est que je donne. Si je donne, c'est que je suis généreux. Si je suis généreux, c'est que je suis connecté à l'humain, au cœur, à la vibration, à l'amour, même si je ne suis pas en conscience de ça. Mais ça me paraît logique. Pour beaucoup, beaucoup diront c'est de la faiblesse. Non, je trouve que c'est la plus belle des qualités. Maintenant, il y a une vertu qui s'appelle l'altruisme. Alors, est-ce que je dis oui pour recevoir de l'amour? Et là, je suis dans mon ego. Pour recevoir de l'attention, pour recevoir quelque chose en échange. Et là, c'est pas différent du non. Ou est-ce que je dis oui parce que tout simplement, je n'attends rien en retour et que c'est naturel, spontané de donner. De donner, de partager. Alors, si c'est le cas, pour ces personnes-là, apprenez à communiquer, mais ne gâchez pas cette qualité. Parce que cette qualité, elle est exceptionnelle. Il y a des gens qui étudient toute leur vie pour essayer d'atteindre un petit peu ça. Donc il est bon de revisiter tout cela à partir, non pas de l'ego, mais à partir des vertus, à partir des qualités. Donc là encore, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand le gymnaste il allait faire ses triples pirouettes, là je suis dedans, la tête en bas, là, en train de les pieds en l'air, le sol il n'est pas loin, mais c'est de pouvoir vous donner des pistes et aller dans une direction ou dans une autre. Pour essayer de voir où vous vous situez. Comment le non et le oui, comment cela, ça résonne en vous? Est-ce que vous allez réussir à toucher cet ego qui se manifeste à chaque oui ou à chaque non? Parce que le but, il est là. Hein. Le but, ce n'est pas de faire une leçon sur oui ou sur non. Hein. D'accord? Le but, c'est d'arriver à se connecter à cette vibration et à rencontrer ce qui se cache derrière cette vibration. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où vous allez introspecter. Donc, un jour, j'ai sorti à une élève ou à une, je sais plus, une réunion. J'ai dit le nom du cœur. Faire la différence entre le nom de l'ego et le nom du cœur. Et j'ai trouvé ce concept assez rigolo et intéressant, parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est l'élan du cœur qui s'exprime, le nom a une autre coloration. Ce n'est plus le même nom. Parce que c'est un peu le concept de la CNV, de la communication non violente. C'est parce que je vais prendre en considération mon état du moment, je vais prendre en considération l'autre, et à partir de cela, je vais créer une dynamique verbale qui va être agréable, qui va être bienveillante, afin d'exprimer à l'autre ma propre colline. Mais j'aurai pris en considération son état. Et quelque part, c'est tellement logique pour aller vers cet élan de spontanéité, pour rendre la situation belle et agréable. Là où c'est compliqué, c'est quand une des deux personnes est dans la colère et dans le négativisme total. Il est vrai que pour percer ce mur de béton, très compliqué. Donc là, parfois, le silence, il est d'or. Donc là, c'est ni oui ni non. Hein. Donc c'est toujours bon d'observer. Hein? Avant de lâcher un non dans l'ego le plus profond, c'est toujours bon d'observer la situation. C'est toujours bon de s'observer soi, d'écouter un petit peu sa vibration interne. Parce que plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez sentir les éléments en vous bouger. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'est à partir du silence que tout se manifeste, parce que lorsque vous êtes dans l'harmonie, dans le centrage et dans le silence intérieur, tout vibre agréablement. Et lorsque quelque chose ou quelqu'un ou peu importe quoi, un objet, vient déranger cet équilibre, donc en fait, je me dérange à partir de cet élément, donc je ne suis plus dans le calme, donc j'ai perdu cet état, j'ai perdu cette concentration, donc c'est ma responsabilité. Donc mon agacement, c'est moi qui le crée. Alors, avant de répondre par du négativisme, peut-être il est bon de me recentrer, de me poser à nouveau, et peut-être juste d'accueillir ce qui se passe. Parce que c'est toujours facile de déposer la faute sur l'autre. Donc ce non, ce oui, ce non, ce que vous voulez, mais ces réactions qu'on a spontanées, elles sont le fruit souvent d'un état agité. Et vous allez vous apercevoir que ce négativisme, il est vraiment noyé dans l'ignorance. Parce que je ne me contrôle pas. Parce que je suis complètement perdu dans mon agitation, dans mes pensées, dans mes projections, dans tout un tas de choses. Et en fait, pour peu qu'il y ait de la fatigue, du stress, hein, des éléments à accumuler, alors je vais développer ce négativisme. Donc pourquoi faut-il encore apprendre en plus à en créer ? D'autant plus que dans ce courant, il va à l'inverse de ça. Il apprend à développer les qualités. Il apprend justement à travers l'écriture, la méditation, à déposer toutes ses croyances erronées, à s'en libérer pour laisser justement émaner cet élan du cœur. En fait, je ne suis pas en dualité avec la société, je ne suis pas en dualité avec l'autre, je suis en pure dualité avec moi-même. Je suis tellement attaché à ce moi, à ce je, qu'il n'y a rien, mais rien qui ne pourrait tolérer quelque chose de l'extérieur pour venir créer le moindre changement. Je suis prisonnier de moi-même. Hein, c'est ça qui est important à comprendre. C'est que la bataille, elle est là, elle est au cœur de nous-mêmes. La scène de combat, elle est là, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'autre qui est dans le même état fait le miroir. En fait, je ne veux pas être dérangé par moi-même puisque l'autre est le miroir de moi-même. Donc vous voyez un petit peu comme tout ça, c'est vicieux. Donc, plutôt que de dire non à l'autre, je dois apprendre à me dire non à moi-même. Et une fois que j'ai compris que je ne voulais pas faire ceci ou dire cela ou aller là, alors je vais agir avec joie, spontanéité, bienveillance, et communiquer avec ce langage-là à l'autre. Mais ce n'est pas l'autre qui vient me déranger, c'est moi qui suis dérangé par quelque chose qui vient contredire cette vibration du moment. Donc l'autre n'y est pour rien. L'autre n'est pas responsable de vos souffrances et de vos états internes. Donc c'est cela qui est important dans cette démonstration, et c'est là où, merci, le gymnaste y retombe sur ses pieds, c'est de partir de ce point central qui est le moi, et de me dire mais pourquoi là je suis dérangé par cette demande ou par cette présence ? Pourquoi à ce moment précis où on me demande d'aller faire quelque chose alors que je suis occupé à lire ou je ne sais pas quoi faire, pourquoi cette demande, elle vient me bouleverser et pourquoi je réponds non. Et pour les gens qui disent toujours oui, ils doivent apprendre à se dire non à eux-mêmes avant de dire non à l'extérieur. En fait, c'est apprendre à s'écouter. Dans tous les cas. Voilà. C'est apprendre à s'écouter. Je dois apprendre à m'écouter. Et à partir du moment, à partir de cette écoute, et encore une fois, cette écoute ne peut se faire qu'à partir du silence, parce que si je suis dans mon agitation, je peux pas m'écouter. Je suis tellement dans les projections, dans tout ça, que je suis une boule de flipper là, à ce moment-là. Donc forcément, quand la demande elle arrive, j'ai même pas le temps de savoir ce qui se passe, que wow, il y a le retour de bâton direct. Et c'est ultra rapide et ultra violent. Et pour les gens qui disent toujours oui, eh ben, ils sont tellement menottés à leur peur de pas être aimés, de pas être reconnus, parce que là, forcément, dans ce cas-là, ça vient de l'ego. Alors, c'est pareil, hein, ils lâchent tout pour dire oui, pour faire plaisir. Donc, ils ont une liste tellement grande de oui, d'actions à faire, mais en fait, ils se noient tout seuls. Donc, vous voyez que le non et le oui sont très similaires dans ce cas-là. Il n'y a pas de différence. Parce que tout vient de l'ego du même panier. Donc il est bon à un moment donné de débrancher, de déconnecter hein, le neurone, de se mettre dans le calme, dans le silence, de se poser, et puis d'aller sur la colline de l'autre. Pourquoi l'autre me demande ça maintenant? Est-ce que je peux répondre à sa demande maintenant? Est-ce que je peux y répondre dans 5 minutes? Est-ce que je ne vais pas y répondre du tout? Voilà, je vais me poser. Et à partir de cette réflexion, une fois que j'ai validé, peut-être que c'est important pour cette personne, voilà, peut-être qu'elle est embêtée, qu'elle est dans l'urgence, mais elle n'a pas forcément, dans son stress, elle n'a pas forcément bien manifesté. Peut-être que je n'ai pas entendu non plus, parce que j'étais concentré sur autre chose. Donc, vous voyez que tout ça, je dois me poser avant d'engager une communication, pour que la communication soit bienveillante. C'est à partir de là et seulement à partir de là que je vais pouvoir exprimer à l'autre si oui, je peux, non, je ne peux pas, peut-être plus tard, je termine ce que je fais maintenant, etc. Et de pouvoir exprimer avec calme et bienveillance, surtout pour que l'autre personne puisse le comprendre et le valider. Et si la personne est dans sa résistance, peut-être ça vaut le coup de trouver un compromis avec cette personne-là. Si tu veux bien, je termine ma tâche et dès que j'ai terminé, je m'occupe de ce que tu m'as demandé. Pour que la personne comprenne que ce que je suis en train de faire, c'est aussi important. Et maintenant, dans le quotidien et surtout avec les proches, hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Non, c'est plutôt tout l'inverse. Hein? Donc c'est pas étonnant que dans des repas de famille, les discussions montent, parce que c'est celui qui criera le plus fort, puisque personne n'écoute, hein, ils ne s'entendent même plus parler. Donc c'est compliqué, ou dans des débats, ou dans des discussions à droite ou à gauche. Et ça se finit, comme on dit, hein, par des jeux de main, jeu de vilain, voilà. parce qu'il n'a pas eu cette écoute bienveillante. Donc nous sommes tous co-responsables de ces états. Donc ce sont vraiment des états afflictifs de l'esprit. Donc ce n'est pas simple du tout d'aborder cette thématique du nom, parce que si on l'aborde à travers juste les actes et les faits quotidiens, c'est-à-dire à travers l'ego, à travers l'ignorance, bon ben chacun va avoir bien sûr son ressenti et son expérience personnelle. Donc on est 9 milliards sur Terre, si maintenant on doit écouter 9 milliards de personnes et d'expérience du oui ou du non, ça peut prendre un petit peu de temps. Je suis pas certain qu'en étant là ce soir. Donc peut-être il est bon de voir cette thématique à partir de son épicentre et de comprendre combien on peut avoir un esprit agité et combien on nourrit le négativisme pour que ce nom, voilà, il prenne une dimension ou une autre, mais qu'il sorte. Donc c'est avant tout apprendre à s'écouter à travers le calme, apprendre à écouter l'autre et la demande de l'autre, ok. Et parfois, c'est apprendre même à rester dans le silence pour ne pas envenimer une situation. Mais tout ça, ça prend du temps et ça s'apprend. Alors il y a des gens, ils ont ça spontanément et c'est formidable, ce qui est loin d'être mon cas. Donc j'apprends, comme vous, comme tout le monde. Voilà, j'apprends, c'est long, ça prend du temps. Mais toujours avec cette bienveillance. Parce qu'à chaque fois que ça se manifeste, je dis « Ah, allez, ça s'est manifesté. C'est bien, on continue les efforts. » On est tous sur le même radeau. Donc, il n'y a pas une personne plus forte qu'une autre. Donc ça, ce sont des qualités, vraiment des vraies qualités à développer. Des qualités de communication, de bienveillance, d'écoute, de centrage, de calme intérieur. Et vous verrez que ce oui ou ce non n'aura plus de sens. En fait, il n'y a plus de sens à ça après. À un certain état de réalisation, de compréhension, il n'y a plus de sens. Ni au oui, ni au non, il n'y a qu'un état de bienveillance. Ciao Laetitia. Donc ce qui est intéressant là, c'est de recevoir cette graine et quelque part de la cultiver. Il n'y a pas de problème Laetitia, à très bientôt. Tu es la bienvenue. Voilà. Et donc c'est de pouvoir cultiver justement cette graine. Et donc cette graine-là, elle va donner un sens à votre introspection. Elle va vraiment donner un sens à vos enseignements, à votre pratique. Parce qu'effectivement, ce que je dois retenir de tout ça, c'est ce négativisme. Cette violence que j'ai envers moi-même, et donc forcément qui se manifeste à travers autrui, alors que je suis tout à fait capable d'écouter mon courant sans émettre la moindre violence. Quelque part, c'est un bel objectif à atteindre, je trouve. Donc, dire oui ne veut pas dire je me rabaisse à. Dire non si je ne m'écoute pas, si je suis dans mon agitation, les conséquences de ce non vont être négatives. Pour l'autre, pour moi. Donc, que ce soit ce oui, que ce soit ce non, que ce soit d'autres formes de non, d'autres formes de oui, si la souche de cela, ça reste le moi-je, les conséquences ne vont pas être positives. C'est toujours bon de recevoir des enseignements, pas des leçons, des enseignements. si un enfant en sortant de l'école dit à son papa ou à sa maman et jette son sac par terre, ouais, tu me portes mon sac? Puis dans cette plus grande générosité de la maman ou du papa, dans cet amour inconditionnel, oui, mon fils. Est-ce que ce oui-là, il est positif, il est nécessaire? Alors ça, c'est point de vue très personnel après, propre à chacun. Mais est-ce que l'action, là, va enseigner quelque chose à l'enfant? Est-ce que l'enfant va enseigner quelque chose aux parents? Voilà. Donc comment développer les qualités, hein, celles de la responsabilité, du respect, toutes ces valeurs humaines, hein, qui sont nécessaires pour vivre en collectivité, comment développer ça s'il n'y a pas d'enseignement? Si les enfants ne respectent pas les parents? Et si les enfants ne respectent pas les parents, c'est parce que peut-être que les parents n'enseignent pas à leurs enfants. Parce que chacun vit dans son ignorance, dans son ego, et en fait, il n'y a jamais d'enseignement. Il n'y a que des oui ou que des non. Et ça, c'est le propre de notre société. Malheureusement. Il existe des sociétés qui ne se passent pas comme ça, où les parents enseignent, où les parents laissent les enfants aussi expérimenter. Mais ils sont là. On est issu d'un système patriarcal. Du système patriarcal, on est passé à un système permissif. Toutes les dérives sont là. Pourquoi? Parce que les grands frères, les parents n'enseignent pas aux enfants, aux nouvelles générations. Il n'y a pas cette passation de la connaissance. Et ça, c'est dramatique. Et aujourd'hui, à des adultes, on me dit, voilà, maintenant, il faut apprendre à dire non. Et quelque part, intérieurement, bah oui, ça me fait un peu rire, mais c'est pathétique, bien entendu. C'est triste. Parce que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Chacun aurait dû apprendre depuis tout petit déjà à recevoir des enseignements pour pouvoir transmettre après, avoir cette passation. Et être autonome pour être centré et savoir exactement ce qui est bon pour soi et comment exprimer cela aux autres. Et comment venir en aide à mon prochain, sans que pour autant ça vienne perturber mon équilibre. Donc, c'est pas étonnant que les gens souffrent. C'est pas étonnant qu'il y ait de la souffrance, qu'il y ait du doute, qu'il y ait tout un tas de manifestations. Parce qu'il n'y a pas toutes ces compréhensions-là. Aussi subtile soit-elle. Donc voilà, la graine est plantée, bien plantée, on l'arrose un peu, on se réveille, on retrouve le sourire, tout va bien. Hein. De toute façon, Paris, c'est pas construit en un jour, comme on dit. Hein. Donc ça va demander un petit peu de temps, ça va demander de la réflexion, ça va demander de la patience, hein. Ça va demander de s'en prendre encore et encore jusqu'au jour où vous allez vous dire, mais effectivement, ça, cette communication-là, j'en veux plus. Et là, c'est la révélation. Waouh, ça y est. J'ai juste cette envie de lâcher mes contractions. Ce désir profond d'arrêter de souffrir. De dire oui à la vie. Et en même temps, de dire non à la vie, parce qu'à un moment donné, elle s'arrête. Donc, je dois accueillir le oui et le non. Je dois tout accueillir, en fait. C'est ça, c'est accueillir la globalité, la totalité. Et me mettre en paix avec cela.